et à tous qui êtes à l'écoute des émissions de la radio Isanganiro. Bienvenue dans Mosaïque. En date du 28 juin de l'année 2021 en cours, le sous-comité de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme a notifié la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, sa décision portant réaccréditation de la Commission au statut A. La CNDH du Burundi avait perdu son statut depuis 2018 et rétrogradé au statut B. Mosaïque d'aujourd'hui porte sur ce qui a poussé le Burundi à récupérer le statut A, réservé aux commissions des droits de l'homme des pays qui respectent et qui font respecter les droits humains. Pourquoi la CNDH burundaise avait perdu le statut A? Qu'est-ce qui a poussé cette dernière à réintégrer ce statut? Y aurait-il des défis qui hantent la CNDH pour mieux s'activer dans son droit chemin de défendre les droits de l'homme au Burundi? Qu'est-ce qui devrait être fait pour que la CNDH puisse avancer dans la promotion des droits de l'homme au Burundi? Voilà certaines grandes préoccupations qui vont faire objet d'échanges à ce débat. Pour décortiquer ce sujet, dans ce studio de la radio Isanganiro, je suis avec trois invités. Docteur Sixte Vigny Nimuraba, vous êtes président de la CNDH, Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour et merci de nous avoir invités. Docteur Hakizimana, vous êtes député et membre du bureau politique, conseiller au secrétariat général chargé des questions politiques et stratégiques au sein du parti CNL. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Je suis dans ce studio avec Jean de Dieu Moutabazi. Vous êtes président du parti Radebou et président de l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, les crimes de guerre et d'autres crimes contre l'humanité. Bienvenue dans Mosaïque. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour honorable Léopold et bonjour docteur Vigny. Bonjour aussi à ceux qui sont en train de nous suivre. Entrons dans le vif de ce débat. La première question, je l'oriente vers Dr Sixte Vigny Nimuraba, président de la CNDH, Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été fait pour que la CNDH retrouve le statut A qu'elle avait perdu en 2018? Merci d'abord. Je commence par remercier la population burundaise qui nous a aidés pour pouvoir arriver à cette étape. Et d'abord, ce qui a poussé à ce qu'on puisse retrouver le statut A, et ce sont les activités que nous avons programmées et que nous avons effectuées. Et comme vous le savez, le statut A dépend des principes de Paris. Les principes de Paris qui disent que clairement, la Commission nationale des droits de l'homme doit s'acquitter de ses missions de protection, de promotion des droits de l'homme, mais aussi jouer son rôle consultatif, indépendamment des appartenances, que ce soit politique, que ce soit régional et tout consort. Donc, nous devons faire le travail indépendamment de tout ça. Et c'est ça que nous avons mis en avant pour pouvoir être au service de la population. Je pense que vous aussi, vous avez été témoin des activités que la commission a accomplies à travers les visites, que ce soit inopinées ou notifiées dans les prisons ou dans les maisons de détention, que ce soit des interventions chaque fois qu'il y avait des saisines ou bien des requêtes auprès de la population burundaise, les ayants droit, mais aussi en ce qui est des communiqués et des déclarations chaque fois que de besoin. Donc, le travail que nous avons fait a démontré clairement que nous étions en train de faire le travail comme il se voit. C'est pour cette raison que nous avons pu avoir le statut A qui avait été perdu il y a quelques années. Mmh. Oui, vous venez de le dire, la commission que vous dirigez avait perdu le statut A. Pourquoi? Et c'est bien sûr ce que je venais de dire. C'est le travail qui était accompli, comme vous le savez. Et si vous faites le travail de défense et de promotion des droits de l'homme avec une tendance ou bien car vous n'êtes pas objectif, la population burundaise peut le voir. Mais aussi si vous n'avez pas d'intervention visible sur terrain et si vous ne faites pas le travail qu'il faut, donc ce n'est pas difficile que les gens puissent dire que vous n'êtes pas en train de faire le travail comme il se doit. À l'heure actuelle, quel est votre sentiment? Sentiment de joie, mais aussi, vous savez, le travail des droits de l'homme, c'est un chantier. Ça veut dire que oui, on a retrouvé le statut A, mais on doit continuer à travailler comme ça a été mentionné dans le rapport de la sous-commission de réaccréditation. On nous a dit qu'il faut qu'on continue à faire le travail sans relâcher parce qu'il faut quand même être à mesure de garder son statut. Parce que si on ne continue pas à le faire comme on est en train de le faire, on peut le perdre d'un moment à l'autre. En abondant sur ce sujet, je pense que nous allons essayer de revenir sur les activités que vous avez réalisées depuis que vous êtes à la tête de la CNDH. Nous avons deux autres intervenants invités. Honorable Lopo Rakizimana, je rappelle que vous êtes du parti CNL. Comment est-ce que vous appréciez cette décision d'accréditer la CNDH au statut A? Oh, merci, monsieur le journaliste. Et avant de répondre à votre question, je voudrais aussi ajouter que je suis le député à l'Assemblée nationale. Je suis membre d'une commission chargée de la justice et de la protection des droits de l'homme. Je suis d'ailleurs le vice-président de cette commission. Monsieur le président, docteur, le président de la CNDH, ils savent très bien que nous travaillons souvent ensemble. Nous l'appelons là à l'Assemblée nationale, Monsieur des droits de l'homme. Vous êtes parmi les gens qui contrôlent. Oui, nous travaillons étroitement avec lui. Vous dites comment j'apprécie la décision de statut A. Oui. Décision d'accréditer la CNDH burundaise au statut A qu'elle avait perdu en 2018. Moi, personnellement, je suis satisfait. Je suis satisfait, c'est une satisfaction pour avoir revenu au statut A parce que si on est au statut B, il y a quand même des avantages ou, si vous voulez, des actions que la commission ne peut pas faire librement. Nous souhaitons que la commission puisse avoir le statut A. Mais je dois ajouter que même si on est au statut A, ce n'est pas parce que tout a été fait. Je vois que le chemin à parcourir reste encore long pour ce qui est de la protection des droits de l'homme dans notre pays. Mais quand même, le commencement est bon. J'apprécie au moment où on a renouvelé la commission avec la venue des membres de la nouvelle commission. Nous assistons des actions qui sont en train d'être menées ici à gauche à droite. Je sais que les questions de droits de l'homme, c'est une question très complexe, très difficile à mener dans une société comme la nôtre. Nous les encourageons de le faire et nous espérons qu'ils vont faire tout pour garder le statut A comme ça a été la commission depuis sa création. La commission vient d'avoir son statut, son ancien statut A. Y aurait-il des avancées dans le respect des droits de l'homme mais par rapport au moment où cette commission a perdu son statut? Bon, je dirais qu'il y a quand même une avancée parce que depuis la nomination de la nouvelle commission, nous voyons quand même que les membres s'attellent à aller à gauche à droite et poursuivre les violations des droits de l'homme. Mais nous attendons d'autres actions qu'ils vont mener parce qu'il le sait très bien, peut-être on va le faire. Nous travaillons souvent chaque jour. Il y a beaucoup de choses encore à faire dans son pays. Oui, la même question à Jean de Dieu Moutabadi. Je rappelle d'abord aux auditeurs que vous êtes président du parti Radebou et président de l'Observatoire national pour la prévention, l'éradication du génocide, les crimes de guerre et d'autres crimes contre l'humanité. Quelle est votre réaction vu que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme burundaise a récupéré son statut A qu'elle avait avant 2018? Pour moi, au niveau de l'Observatoire national chargé de la prévention et de l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l'humanité, ce que je dois dire, quand la CNDH a retrouvé son statut A, nous avons été très très satisfaits parce que les raisons pour lesquelles il l'avait perdu ne nous avaient jamais convaincus. Du jour au lendemain, on a entendu qu'il avait perdu son statut A. Et quand on a essayé de fouiller, de voir les raisons qui avaient été avancées, nous n'avons jamais été convaincus. Alors pour nous, notre sentiment a été que la CNDH a été, réhabilité. Parce que nous, on a observé ses activités, ses actions depuis sa mise en place. Et quand on les observait, on les observait aussi par rapport à d'autres pays où il y avait des commissions sœurs qui avaient le statut A. Et on constatait que la situation des droits de l'homme au Burundi se portait mieux. Et je dois aussi souligner, comme vous le savez, la protection et la promotion des droits de l'homme, c'est une lutte permanente. Parce que, comme vous le savez aussi, dans aucun pays du monde, les droits de l'homme ne sont respectés à 100%. C'est-à-dire que tout un chacun doit toujours faire pour la promotion et la protection des droits de l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui, la CNDH, tout le monde la soutient. Et quand il y a des violations des droits de l'homme, dans n'importe quelle province ou commune de ce pays, on essaie de les orienter vers la CNDH pour qu'elles puissent intervenir. Et quand il y a des gens qui s'adressent à l'Observatoire national, comme vous le savez, c'est dans la partie des... Il y a une partie qui revient principalement à l'Observatoire national, c'est la partie des violences basées sur l'identité, que ce soit l'identité ethnique, l'identité du côté de la religion ou bien du côté des régions, c'est-à-dire les provinces. On essaie de voir s'il n'y a pas de l'ethnisme, du régionalisme ou bien de la xénophobie. Mais il y a une autre partie concernant les autres crimes contre l'humanité. C'est là où on peut se croiser avec l'autre commission sœur, c'est-à-dire la CNDH. Alors, c'est pourquoi, quand on est en train de travailler, de faire les monitoring à notre niveau, on constate que la situation des droits de l'homme, elle est de manière générale, très bonne. Oui. Est-ce que la situation qui prévalait avant 2018 ne serait pas à l'origine de la perte du statut A? Pas du tout. Vous disiez tout à l'heure que vous n'avez pas été convaincu. Est-ce que vous pouvez expliciter un peu? Comme je le disais avant, on compare la situation des droits de l'homme, pas seulement au Burundi, même dans d'autres pays. Parce que, comme vous savez, les institutions, bien les commissions comme la CNDH, elles ne se trouvent pas seulement au Burundi. Alors, quand on constate que, quand on observe alors la situation des droits de l'homme dans d'autres pays, et qu'on constate que la CNDH au Burundi a perdu son statut A, alors qu'ailleurs où la situation des droits de l'homme se détériore, on trouve que c'est injuste qu'on enlève le statut A au Burundi où la situation des droits de l'homme se porte bien, et ailleurs il le garde. C'est pourquoi on a jugé que quand elle a retrouvé son statut A, c'était une forme de réhabilitation. C'est par exemple quand on observe la situation, comment les élections se mènent. Vous savez, quand il y a des élections en Afrique, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, du Centre, etc., on essaie de voir comment la situation des élections se sont passées. Et on peut voir si les élections se sont bien faites dans tel pays ou dans l'autre. Par exemple, ici, dans la situation du Burundi, depuis 2020, vous avez pu voir, par exemple, comment les élections se sont passées, comment les partis politiques cohabitent aujourd'hui. On a pu regarder la sérénité qui a accompagné les élections. On a pu remarquer différentes avancées qui se sont faites. Alors, on a remarqué que la situation des droits de l'homme au Burundi, la protection des droits de l'homme, la promotion des droits de l'homme, elle s'améliore du jour en jour. Mais tout n'est pas rose. Tout ne peut pas être rose. Ok, je retourne le micro chez Dr Sixte Vigny Nimuraba. Qu'est-ce que la commission que vous dirigez a fait pour récupérer plutôt le statut qu'elle avait perdu, si ce n'est pas un secret professionnel? Je ne pense pas que ce soit un secret professionnel parce que les activités que nous faisons, nous les faisons à grand jour. Tout le monde voit ce qu'on est en train de faire. Et la première stratégie, c'était de nous rassurer que nous menons des activités ou des actions concrètes. Ça veut dire, si vous êtes en train de faire la protection des droits de l'homme, et vous devez vous rendre sur le terrain et vérifier les allégations de violation des droits de l'homme et faire des recommandations pertinentes aux institutions, la plupart des fois gouvernementales, pour qu'ils puissent savoir comment s'améliorer. Ça, c'est la première chose. Mm-hmm. La deuxième chose, c'était pour faire un plaidoyer, non seulement à l'interne, mais aussi à l'externe. À l'interne, pourquoi? Parce que parmi les accusations figure un budget insuffisant de la communauté. commission. Nous avons fait le plaidoyer nécessaire auprès du gouvernement pour avoir la hausse du budget alloué à la CNDH. Pas seulement le budget, mais même les moyens de déplacement. Je suis à l'aise maintenant parce que je suis avec les parlementaires qui m'ont aussi aidé pour rehausser les financements. Quand on a demandé ça au Parlement, ils nous ont accepté et ça a été fait. Ça, c'est la deuxième chose. Et troisième chose, c'est l'enseignement ou bien les activités de promotion des droits de l'homme. Nous avons mené beaucoup d'ateliers et de conférences à l'égard des autorités, que ce soit administratives, policières, militaires, que ce soit les confessions religieuses, des activités avec le Parlement et le Sénat, bref, de toutes les souches sociales ici au Burundi. Mmh. Ça, ce sont le type d'activités que nous avons fait, mais aussi nous avons renoué les relations avec, que ce soit les Nations Unies, que ce soit la société civile ici au Burundi, que ce soit les ONG internationales, tout consort. Donc ça, ça nous a aidé à montrer que nous sommes prêts à une collaboration et peut-être que ça aussi, ça a contribué à pouvoir retrouver le statut A. Merci pour cet éclairage. Honorable Léopold, vous êtes issu du parti CNL. Quelquefois, nous entendons des cris d'alarme de la part de votre parti et que des membres sont injustement arrêtés, d'autres sont enlevés. Comment est-ce que vous appréciez l'action de la CNDH dans la protection et la promotion des droits humains au Burundi, avec des exemples à la peau? Nous, en tant que le parti CNL, je vais d'abord revenir sur ce que le président nous a fait. Il nous a fait connaître que pour classer les commissions de A à B ou B, on tient compte des principes de Paris. Je ne maîtrise pas exactement les principes de Paris, mais j'imagine que pour donner le statut A ou le statut B, c'est ce que j'imagine, peut-être on tient compte des actions menées par cette commission. On ne tient pas compte réellement sur les résultats. Je ne sais pas si on tient compte des résultats ou des actions à mener, ou les deux à la fois. Si c'est les deux à la fois, j'imagine que les actions prennent beaucoup de points que les résultats. C'est pour cette raison, je dirais qu'on a donné peut-être le statut à la commission, tenant compte des actions menées par la nouvelle commission, mais les résultats ne seront pas tellement très élevés par rapport à ce que nous devons connaître dans les situations antérieures. Et je voudrais aussi faire une certaine appréciation à ce que l'honorable Mutabazi a dit. Il disait qu'apparemment, il n'était pas d'accord sur le classement du statut B au statut A. J'imagine que si vous analysez l'évolution des droits de l'homme dans notre pays, depuis la création de la commission en 2011, vous évoluez vers 2015 et vous quittez 2015 ou 2020. Vous trouverez vous-même quand même qu'il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme dans la période de 2015 à 2020. J'imagine que c'est cette raison qui a poussé que on classe la commission de B à A. De A à B. Et aujourd'hui, si on a retourné le statut A, je crois que c'est aussi une façon d'encourager la commission. Il faut encourager la commission dans les actions qu'elle est en train de mener. Sinon, comme vous le dites, et nous, en tant que le parti CNL, le parti de l'opposition, nous enregistrons encore une fois des cas de violation des droits de l'homme. Je ne dirais pas des violations massives, mais il y en a parce que jusqu'à aujourd'hui, même avant-hier, même peut-être au moment où nous menons cette émission, il y a encore une fois des arrestations arbitraires de non-militants. Je dirais une arrestation est arbitraire parce qu'il faut une clarification. Si on arrête quelqu'un sans mandat, on arrête quelqu'un dans les heures avancées. Quand je dis les heures avancées, c'est après 18 heures. On arrête quelqu'un et on l'emprisonne dans des lieux inconnus, empêchant même les familles d'atteindre, de visiter le détenu. C'est tout ça, ce sont des violations que je dirais graves aujourd'hui. Il arrive même, au fond, vous entendez dans l'opinion. Nous aussi, nous le disons dans nos déclarations, qu'il y a même des cas de disparition. Est-ce que vous saisissez la CNDH? Oui, il le sait. C'est pourquoi je dirais que peut-être on a donné ce statut à part les efforts. Nous savons que la CNDH vraiment fournit des efforts, mais quelquefois, il va le dire lui-même, il rencontre quelquefois des obstacles et des difficultés pour récolter des résultats qu'on devrait récolter. C'est pour vous dire que nous demandons aujourd'hui au CNDH de continuer de fournir des efforts parce que nous analysons qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire. Le chemin reste à parcourir et long. De plus, avant de terminer, je sais que la CNDH le sait très bien que et parmi les droits de l'homme qui doivent protéger, aujourd'hui, vous allez trouver qu'on s'efforce beaucoup sur les droits, ce qu'on appelle les droits de la première génération. Il me comprend très bien, le président. Les droits de la première génération, ce sont les droits civils et politiques, tandis qu'il y a d'autres droits, par exemple les droits de la deuxième génération, les droits économiques et sociaux. Ça, quelque part, vous allez trouver qu'on a déjà mis à côté. Nous demandons aujourd'hui à la CNDH de s'occuper et les droits de la première génération et les droits de la deuxième génération. Il y en a aussi les droits de la troisième génération, mais on peut se limiter à... Parce que si je parle des droits de la deuxième génération, les droits économiques et les droits sociaux, vous savez que je pourrais appeler par exemple le droit à tout citoyen à l'accès équitable aux sources de l'État. Vous devez vérifier que les sources du pays sont partagées équitablement aujourd'hui. Parce que vous le savez que quand il faut donner des responsabilités à des Burundais aujourd'hui, nous dénonçons une certaine discrimination de la part d'une certaine partie de la population, notamment les membres de notre formation politique. Tout ça, c'est un droit qui devrait être analysé et protégé. Il y a le droit à l'accès à la santé, à l'école, ainsi de suite. Mais il faut voir si réellement les biens de l'État, les ressources de l'État sont équitablement réparties entre la population, entre les Burundis. Ça, c'est un droit extrêmement important. C'est même un droit qui est à la source de plusieurs conflits que nous analysons dans certaines sociétés, surtout les sociétés africaines, y compris la nôtre. C'est ce que je voulais dire. Nous sommes en train de débattre sur les droits humains. Depuis hier, le gouvernement burundais a lancé les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est le plan du parti CNL? Comment est l'état des lieux des violences basées sur le genre aujourd'hui au Burundi? En tant que parti CNL, nous déplorons des fois qu'il y a des violations dans ce genre, mais nous analysons les droits de l'homme d'une façon générale. Par exemple, c'est ce que je disais toujours sur les types de droits de l'homme qu'on voudrait toujours protéger. Il y a un droit extrêmement important pour ce qui est du droit de la femme, l'autonomisation de la femme. L'autonomisation de la femme. Là, il faut voir, c'est extrêmement important. Vous allez trouver même les violations, les violences qui se font dans les ménages. Ça a des racines sur le manque d'autonomisation de la femme. Vous allez entendre que dans les sociétés évoluées, où la femme a des moyens de survie, à ses moyens propres de survie, il arrive rare qu'on arrive même à un certain moment où les couples s'entretuent. Mais ici, chez nous, au Burundi, parce que la femme a des problèmes d'autonomisation, a des problèmes de moyens, même s'il a des accrochages avec son mari, il n'a pas cette idée, il n'a pas cette volonté de rentrer, de retourner dans sa famille d'origine, parce que pratiquement, elle ne trouvera rien. Elle doit rester chez son mari par la force, par quoi, jusqu'à ce que les gens s'entretuent. Mais je dirais que, alors, pour me synthétiser, que la CNDH doit s'occuper sur le droit des femmes, sur l'autonomisation de la femme. Oui, les femmes à l'Assemblée nationale représentent 30%. N'est-ce pas une violation? Bon, c'est pas tout à fait une violation. D'ailleurs, si moi j'analyse la représentation de la femme, je ne blanque directement mes yeux sur des postes politiques, c'est de quoi. J'insiste sur les secteurs de la vie de la société. Quand je vais dans une banque, il y a combien de femmes? Quand je vais parmi les enseignants, il y a combien de femmes? Quand je vais parmi les médecins, parmi les infirmiers, il y a combien de femmes? C'est là, c'est ce qui m'intéresse. Sinon, les postes à la radio, ici chez vous, il y a combien de femmes? Sinon, pour les postes politiques, ça c'est politique, je dois vous dire que même les femmes qui sont dans ces postes, ce n'est pas nécessairement qu'elles représentent les autres femmes, peut-être qu'elles se représentent elles-mêmes. Je dirais qu'il faut voir la représentation de la femme dans tous les secteurs de la vie de la nation. Jean de Dieu Moutamadi, c'est la même question. Comment est-ce que vous appréciez l'action de la CNDH dans la protection et la promotion des droits humains au Burundi aujourd'hui, avec des exemples à l'appui? L'un des exemples qu'on peut montrer, c'est ce que je remarque, c'est un bon partenariat que la CNDH a, notamment avec les forces de l'ordre ou bien les institutions du ministère de la justice. Et quand on voit que, par exemple, les portes des prisons sont ouvertes et que la CNDH peut avoir accès, on voit que on y voit alors une bonne volonté à ce que à ce que les droits humains, les droits de l'homme soient vraiment respectés. Mais on voit aussi une grande volonté politique. Par exemple, quand on a remarqué qu'il y avait à peu près plus de 5 000 prisonniers graciés par le chef de l'État, on voit que ça a permis à ce que les prisonniers qui avaient été injustement mis en prison, à ce que les prisonniers ou le droit... On sait que la prison, ça doit être une exception. On voit qu'il y avait beaucoup de prisonniers qui étaient en prison de manière injuste. On voit que le contexte global se prête à ce que la CNDH puisse bien travailler. Mais le côté partenariat, c'est quelque chose que je voudrais souligner ici. Ça permet à la CNDH de pouvoir travailler à son aise. Donc c'est un exemple concret que je vais donner. Sinon, pour revenir à ce que l'honorable Léopold avait dit, pour la question d'appréciation du niveau des droits de l'homme, je peux donner exemple. Quand on voit qu'au niveau de la décision de prendre des décisions envers le Burundi, le regard des États-Unis n'est pas le même regard de l'Union européenne. On remarque que la perception de la promotion et de la protection des droits de l'homme au niveau des États-Unis n'est pas le même que l'Union européenne. Alors, c'est pourquoi c'est pas de la mathématique. C'est pas de la mathématique la question des droits de l'homme. C'est ainsi que moi, comme je le disais, quand la CNDH a perdu son statut A, j'ai trouvé cela injuste. Et quand il l'a retrouvé, j'ai trouvé que c'était une réhabilitation. Mais chaque pays a sa souveraineté. Oui, chaque pays a sa souveraineté, mais ceux qui donnent les points au niveau des principes de Paris, ce sont des gens qui ont leur façon de donner des cotations à des pays souverains. Et cela... N'importe qui pourrait se poser des questions. Et c'est pourquoi, pour me permettre d'argumenter davantage, vous savez que lors de la réunion de New York, le chef de l'État a bien défendu la position qu'il faut promouvoir, renforcer les mécanismes nationaux, notamment la CNDH ou bien l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et d'autres crimes contre l'humanité. Cela montre en fait que un pays comme le Burundi n'a pas du tout besoin des mécanismes spéciaux, des mécanismes internationaux. Donc les mécanismes nationaux sont suffisants et peuvent travailler dans le sens de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Oui, aujourd'hui, il y a un cri d'alarme de la part des femmes burundaises disant qu'elles font toujours face aux violences basées sur le genre. Il y a aussi lancement de ce jour d'activisme contre le VBG, le Parti Redebout. Jean-Doudou Moutabazi, qu'est-ce que vous en dites? Les VBG, comme vous le dites, les violences basées sur le genre, c'est un crime très répandu dans le monde. C'est pas seulement au Burundi. C'est pas seulement au Burundi. Il y a beaucoup d'injustices. Et pour essayer d'éliminer ces violences basées sur l'identité, je partage le même avis que l'honorable Léopold. Il faut mettre tout en œuvre à ce que la femme soit autonome, l'autonomisation de la femme. Il faut d'abord que les filles soient mises à l'école, qu'elles puissent étudier et faire les grandes études et être autonomes, qu'elles puissent aussi se lancer dans l'entrepreneuriat. Et cela permet en fait qu'elles ne subissent plus la domination des hommes. Et même, ce n'est pas seulement ici en Afrique. Vous savez très bien que à un même diplôme, même en Europe, les hommes gardent un plus grand salaire que les femmes. À un même diplôme. Même si on regarde même nombre d'années, même expérience, même niveau d'études, par exemple, quand on voit chez les médecins, etc., on remarque que les hommes ont un plus grand salaire. Et même en Europe, ils travaillent pour qu'ils puissent réduire cette différence pour évoluer vers, un monde plus équitable, plus égalitaire entre les hommes et les femmes. Sinon, ici, au Burundi, Il y a des violences sexuelles, il y a des violences au niveau des foyers, des violences conjugales, etc. Il y a des femmes qui sont battues, qui sont même parfois tuées par leur conjoint. Heureusement que quand ces cas tombent dans les mains de la justice, ces hommes sont sanctionnés. Mais n'oublions jamais qu'il y a des cas qui ne sont jamais signalés. Il y a des femmes qui refusent de le dénoncer. Il y a les hommes aussi qui sont battus qui refusent de le dénoncer. Ah, ce sont des exceptions, mais ça arrive. Mais ça, je sais que c'est pourquoi je n'ai même pas voulu en parler. Mais pendant cette période de 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences de la femme, il faut que tout le monde soit sensibilisé. Cela en fait amène à ce que la société évolue vers un monde beaucoup plus équitable, beaucoup plus juste, beaucoup plus égalitaire. Est-ce que la CNDH est sensible aux questions genre, docteur Vini Mourava, aujourd'hui, les femmes crient haut et fort que leurs droits sont toujours bafoués. La CNDH en fait quoi? Merci beaucoup. Je dois souligner que si nous sommes dans les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, comme vous venez de le dire, ce n'est pas seulement les femmes, ce sont les hommes aussi, parce que les violences basées sur le genre, ça peut toucher même les hommes. Mais ce qu'on voit dans nos pays, la plupart des fois, un grand nombre, c'est les victimes sont des femmes. Mais la CNDH doit être sensible, que ce soit un homme, que ce soit une femme, la CNDH doit être sensible, mais aussi faire des actions concrètes pour pouvoir intervenir chaque fois. Je pense que vous suivez la plupart des radios et tout consort. Il y a des interventions que nous faisons pour essayer de protéger. Je sais que même maintenant, nous avons au moins une femme qui est sous notre protection parce qu'elle a subi beaucoup de violences de ce genre. Donc la CNDH doit toujours intervenir, mais aussi jouer son rôle consultatif auprès du gouvernement pour démontrer que le gouvernement a besoin de faire beaucoup plus pour pouvoir promouvoir les droits des hommes et les droits des femmes. S'il vous plaît. Oui. Il y a une petite question à laquelle vous aviez posé à l'honorable Léopold concernant les quotas ou bien le pourcentage des femmes au niveau de l'Assemblée nationale. Je dois d'abord rappeler que ce pourcentage il est venu des accords d'Arusha. Et de la Constitution aussi. Parce que la Constitution de 2005, elle est issue des accords d'Arusha qu'on avait signés en 2000. Alors, quand on était en train de donner cette orientation, en fait, on avait dit, comme les femmes, il faut les encourager, il faut que la loi leur donne un minimum. Alors, ce 33%, c'est 30%. En fait, c'est le minimum. Mais rien n'empêche qu'ils peuvent bosser et travailler pour passer même à 50%. Ils peuvent, parce que n'oubliez pas qu'ils sont plus de 52, 53%. Mm-hmm. En fait, la réalité, s'il y a un certain blocage des femmes à ce qu'elles n'arrivent à 50%, il y a une partie de leur part, parce qu'on remarque qu'elles savent très bien qu'elles peuvent créer des partis politiques, elles savent très bien qu'elles peuvent, une femme peut élire une autre, mais souvent on remarquera que quand on organise des campagnes ou bien des quoi, il y a certaines femmes qui ne sont pas assez décisives pour prendre les devants. Alors parfois, il faut essayer de les encourager, de les promouvoir dans les instances de prise de décision, etc. Sinon, jusqu'à maintenant, la loi ne les empêche pas d'aller même à plus de 50%. Oui. Donc les 33%, c'est ce que la loi leur donne comme un minimum. Et puis, parce qu'ils ne descendront jamais en dessous des 33%. Parce que si on n'avait pas mis... la clause des 33%. Oui. Donc les hommes doivent encourager l'action de la femme. Mosaïque. Je rappelle à ceux qui viennent de nous capter en cours de route que nous sommes dans Mosaïque. Nous sommes en train de débattre sur ce qui a poussé la CNDH à retrouver le statut qu'elle avait perdu en 2018. Éventuellement, docteur Sixte Vigny et Nimuraba, qu'est-ce que la CNDH est en train de faire pour ne pas perdre encore une fois le statut dans l'avenir? Merci beaucoup. ce qu'on fait, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Mm-hmm. C'est d'abord des actions concrètes et des suivis. Chaque fois qu'on a des gens qui se donnent à venir chez nous pour demander notre intervention. Mm-hmm. C'est pour cette raison que je pense que vous l'avez vu depuis un certain temps. Nous sommes fixés un délai de 24 heures pour répondre à chaque personne qui contacte la CNDH pour demander une intervention. C'est pour cette raison qu'on fait ça. Mais aussi, on fait des vérifications sur terrain, n'importe où. Auparavant, on avait des problèmes de déplacement. Maintenant, on est en train de nous améliorer. Donc, que ce soit à Kirundo, que ce soit à Makamba, chaque fois qu'on entend une allégation de violation des droits de l'homme, plutôt que de diffuser des informations non vérifiées, on décide d'y aller pour nous assurer de la situation. Et troisièmement, c'est la relation que nous entretenons non seulement avec le gouvernement du Burundi, mais aussi les partis qui sont ici même, y compris même le parti SNL de l'opposition, que ce soit la société civile, que ce soit les corps diplomatiques et consulaires accrédités au Burundi, que ce soit les organisations des Nations Unies, que ce soit les organisations internationales. Donc, nous faisons tout pour rester en contact avec toute personne, avec toute organisation, afin de pouvoir être au service de la population burundaise. Pour terminer, ce qui a fait qu'on retrouve le statut A, c'est la plupart des fois ce que les Burundais eux-mêmes ont apprécié de nous. Je sais que les gens, par différents moyens, y compris même les radios, je sais que les journalistes sont quelquefois même interviewés pour savoir si nous faisons le suivi adéquat pour des cas. C'est ça que nous allons essayer de faire, mais aussi de l'autre côté, continuer à enseigner les droits de l'homme. Nous avons beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas la loi, qui ne maîtrisent pas les droits de l'homme. Donc, comme on est en train de le faire avec les acteurs de la justice, on le fait et on continuera à le faire avec l'administration. On continuera avec, on a même commencé avec les journalistes. Donc, toutes les souches sociales pour qu'ils puissent vraiment s'imprégner des notions des droits de l'homme. Je sais qu'avant, il y a des gens qui ne comprenaient même pas ce qu'on parlait quand on disait de la CNIDH. Maintenant, la commission commence à être connue. C'est ça par rapport aux interventions, par rapport à la rapidité dans nos interventions et par rapport à l'efficience, à l'effectivité, je ne sais pas comment le dire, de nos interventions. C'est ça qui va faire que nous puissions garder le statut A. Mais pour terminer, et c'est le plaidoyer surtout que nous allons faire auprès des institutions étatiques pour pouvoir l'aider à améliorer les choses. Je ne vais pas entrer en détail, mais je vais dire que chaque fois que nous avons demandé ou donné des conseils, on a vu que du jour au lendemain, les réactions positives et la mise en application de nos recommandations commencent à s'améliorer. Monsieur le Président, y aurait-il des obstacles, des défis auxquels fait face la CNDH dans son exercice de défense des droits de l'homme? En droit de l'homme, il doit toujours y avoir des défis. Mm-hmm. Le premier défi, c'est les moyens financiers, les moyens logistiques. Ça, vous savez qu'on ne peut pas toujours avoir les moyens qu'il faut. Deuxième chose, c'est le nombre de personnels, les employés que nous avons. Si possibilité il y avait, on l'a dit à l'Assemblée nationale la fois, parce qu'on a présenté notre rapport, on a dit que ce serait bien qu'on ait des points focaux dans toutes les provinces. Comme ça, s'il y a une allégation, une équipe ne va pas quitter Bujumbura pour se rendre à Cibitoke. S'il y a une personne qui est basée à Cibitoke, il va s'enquérir de la situation et nous donner rapport et nous allons faire des descentes si nous le jugeons vraiment pertinent. Ça, c'est la deuxième chose. Autre défi, même maintenant, on a des gens qui ne comprennent pas c'est quoi les droits de l'homme. Il y a des gens qui font les choses sans mettre l'aspect droit de l'homme dans leurs actions. Donc, on va continuer à les expliquer. Il y a même des gens qui ne comprennent pas ce que dit la loi. Il y a des fois où on a été obligé de convoquer des hautes personnalités pour leur dire que c'est l'aile pratique, c'est pas vraiment conforme à la loi qui régit la CNIDH. Donc, je pense que si les gens continuent à apprendre de la mission et de ce que la commission est appelée à faire, et on va avoir peu de barrières dans l'accomplissement de nos missions. Vous dites qu'il y a beaucoup d'obstacles, de défis. Est-ce que les autorités publiques vous facilitent la tâche aujourd'hui? Oui, certains, oui, les autres, non. Mmh. Si on commence par le président de la République, lui, il comprend le domaine du droit de l'homme parfaitement. même plus que certaines personnes qui sont dans la société civile. Et je pense qu'il est parmi les meilleurs défenseurs des droits de l'homme que je peux dire. Mais parmi les autres membres, que ce soit de l'administration, il y en a ceux qui sont encore derrière. Donc on doit toujours les pousser à comprendre exactement c'est quoi les droits de l'homme et pourquoi est-ce qu'on doit tenir compte de l'aspect droits de l'homme dans toute décision. Est-ce que, monsieur le Président, aujourd'hui, il n'y a pas des prisonniers qui croupissent dans les prisons, qui n'ont pas bénéficié de l'élargissement, qui n'ont pas de dossier aujourd'hui? Je dois dire que dire qu'ils n'ont pas de dossier, ce serait trop dire. Mm-hmm. Mais dire qu'il y a encore des prisonniers qui ne sont pas vraiment dans leur légalité, ça, il y en a, on a toujours dit, vous allez lire dans nos rapports. Il y a même ceux dont les procès ont été clôturés, mais qui croupissent encore dans la prison. Ça, on a toujours regretté ça et on le regrettera c'est toujours. Dommage. C'est dommage pour un pays qui est régi par les droits de l'homme. C'est pour cette raison que chaque fois, si vous lisez nos rapports, vous allez voir, si vous lisez nos recommandations au gouvernement et au ministère de la Justice, on les appelle toujours à mettre chaque personne dans ses droits. Donc, si le procès a eu lieu et que ça a été prononcé, ça devait être mis en œuvre et immédiatement en application. Donc, il faut déplorer ça. Honorable Léopold, vous venez d'entendre qu'il y a la CNDH fait face aux défis, aux obstacles. Qu'est-ce qui devra être fait pour que la CNDH continue dans le droit chemin pour mener au bon port cette noble tâche de protection des droits humains? Qu'est-ce que vous en dites? Bon, parmi les missions de la CNDH, il y a la promotion des droits de l'homme. Mm-hmm. Il y a la protection et la promotion des droits de l'homme. Pour ce qui est de la promotion, c'est un travail à longue haleine. C'est de l'idéal. Il faut toujours former, il faut toujours enseigner, il faut toujours promouvoir les droits de l'homme, surtout parmi les acteurs politiques, surtout parmi les acteurs de l'administration. Ce n'est pas un travail qui va se faire aujourd'hui et qui va se terminer, c'est un travail continu. C'est comme la démocratie, il n'y a pas de démocratie définitive, c'est de l'idéal. Mais je pourrais vous dire tout simplement, comme la question que vous avez posée à M. le Président, sur le pourquoi il faut garder le statut A. Le risque pour éviter le risque de perdre encore une fois le statut A. Je l'ai dit qu'on vous a peut-être on vous a donné le statut A pour avoir analysé les actions à mener, que vous avez menées. Peut-être même on a voulu aussi vous encourager pour aller continuer, pour continuer toujours à aller de l'avant. Mais il y a des défis qui sont devant vous. Je dois vous dire qu'il faut s'intérioriser sur les violences politiques qui continuent à se commettre dans ce pays. J'ai parlé des arrestations arbitraires. Des arrestations arbitraires qui signifient une arrestation sans mandat. Une arrestation de personnes non habilitées, opérées par des personnes non habilitées. Une arrestation faite les heures dépassées, la nuit. Des arrestations, des incarcérations dans les lieux inconnus dont l'accessibilité n'est pas facile, même pour vous. Il y a même des lieux où même pour vous l'accessibilité n'est pas facile. Il faut éviter ça. Autre chose, il faut prôner la justice. La justice en deux, sur les deux points. La justice sociale. La justice sociale, j'insiste sur l'accès équitable des ressources du pays, des ressources de l'État pour tous les Burundais. L'accès équitable. Je parle aussi de la justice des tribunaux. Si je parle de la justice des tribunaux, il faut parler des procès. Le procès équitable. Le journaliste vient de le dire. Il y a effectivement aujourd'hui encore des personnes qui sont encore dans les prisons alors que peut-être ils ont été acquittés par des juridictions. Vous imaginez dans un état de droit, c'est la justice. C'est la justice en prison. C'est la justice qui libère. Aucune autre personne. Même le président, quand il donne une mesure de grâce, il doit collaborer avec la justice. Alors, qui est cette autre personne qui décide de garder en prison une personne acquittée par la justice? Ça, c'est extrêmement dangereux pour les questions de l'homme, les droits de l'homme. On pourrait même, au lieu d'acquitter une personne et de la garder en prison, on pourrait même si cela est aussi mauvais, on pourrait attendre cet acquittement. Il faut attendre cet acquittement au lieu d'acquitter une personne exercée en prison. Il y en a encore des personnes qui sont là. Il n'y a pas de personnes peut-être qui n'ont pas de dossier, comme vous l'avez dit. Tout le monde a des dossiers aujourd'hui. On ne peut pas entrer dans une prison centrale sans dossier. Mais il y a des dossiers qui datent des années et des années. Sans procès, tout ça, ça fait partie de la violation des droits de l'homme et c'est extrêmement dangereux. C'est pour vous dire que je vous encourage, je vous fais des défis il faut vraiment s'atteler sur les violences politiques et la justice, et sur la justice. Mmh. Honorable Léopold, est-ce qu'aujourd'hui, l'on peut compter des prisonniers politiques au Burundi? Mais bien sûr, il y en a des prisonniers politiques. Ah il y bon? En a des prisonniers politiques d'une façon ou d'une autre, mais je vous dirais que moi, je suis magistrat, vous ne trouverez jamais un dossier sur lequel est marqué prisonnier politique. Mmh. Mais si vous trouvez quelqu'un qui est arrêté, parce qu'il est en train de mener une réunion dans sa permanence nationale ou permanence provinciale. Vous avez une permanence dans un parti politique. Vous êtes dans une réunion d'un comité et on vient, on vous arrête. Vous êtes prisonnier. Donc, de droit commun, pas du tout, vous êtes prisonnier politique. Mm-hmm. Parce que vous êtes en train de faire une réunion politique. On vous arrête uniquement pour ça. On vous dit que vous avez mené une réunion parce que vous n'avez pas informé l'administrateur, la chef de zone, ou bien le président du parti de la région, je ne sais pas quoi. Mais la loi est claire sur les partis politiques. Il n'y a pas d'information, il n'y a pas de demander de permission dans une réunion qui se fait dans une permanence. Et si vous arrêtez là, on va vous appeler comment? Voleur, tueur, pas du tout, vous êtes prisonnier politique. Mais je sais qu'il n'y a pas un dossier sur lequel est marqué prisonnier politique. Il le sait très bien. Vous allez trouver que vous êtes attentat à la sécurité de l'État, c'est intérieur de l'État, mais vous êtes dans une permanence. Vous faites une réunion. Qu'est-ce qu'il y a comme crime? C'est un crime politique. Juste une petite rectification, parce que l'honorable Léopold a dit qu'on nous a donné le statut A pour voir si nous allons bien faire le travail. Donc, il faut quand même correctifier. Je nous dis d'encouragement. Donc, non, on nous a donné le statut A parce que nous avons fait ce qui était nécessaire et qui est conforme au principe de Paris. Vous avez rempli toutes les conditions des principes de oui, Paris. Oui, oui, parce que dans la décision, on donne même les améliorations qu'il faut faire pour pouvoir garder votre statut. Donc, si je peux te dire, donc, on dit que la recommandation, c'est que la sous-commission de réaccréditation nous donne le statut A et nous recommande de continuer les efforts de promotion et de protection des droits de l'homme au Burundi et nous encourage à continuer ces efforts à collaborer avec les institutions étatiques et non étatiques, à travailler avec les Nations Unies, avec les réseaux des associations des droits de l'homme et avec les organismes, que ce soit international ou national, en termes de droits de l'homme. Donc c'est ça. Et vous pouvez voir le document, c'est même officiel. Oui, dans le document, j'ai entendu le mot « on vous encourage ». Même le président du parti a dit que l'appréciation des droits de l'homme, les Américains apprécient de cette manière, les Européens apprécient de cette manière. Moi aussi, j'ai ma façon d'apprécier la décision, c'est comme ça. J'imagine que ça aussi, ça fait partie peut-être de l'encouragement de la Commission. Donc aujourd'hui, on peut faire un coup de chapeau à Dr Sixte Vigny Muraba et son équipe. Jean Dodier Mutabazi, qu'est-ce qui devra être fait pour que la CNDH continue dans le droit chemin pour mener au bon port cette noble tâche de protection des droits humains? À mon avis, la CNDH, elle est en train de mener une action très appréciable, surtout qu'on peut dire que c'est une nouvelle institution, qu'aujourd'hui elle est en train d'être connue, elle est même plus connue que l'institution que je dirige, l'ONPGH, c'est-à-dire l'Observatoire National pour la Prévention du Génocide, des Crimes de Guerre et des autres crimes contre l'humanité. Parce qu'il y en a, par exemple, des Burundais qui oublient le passé que le Burundi a traversé. Mais quand on met une institution comme l'Observatoire National pour prévenir, elle est là. C'est comme dans certains pays, il n'y a pas de guerre, mais il y a toujours une armée pour prévenir. Donc, aujourd'hui, la CNDH, elle est connue. Maintenant, il faut qu'elle fasse tout le temps savoir les bonnes activités qu'elle fait et les défis qu'elle a, surtout à l'endroit de ceux qui donnent ces cotations d'OA. S'ils donnent tout le temps des rapports, s'ils renforcent le partenariat avec les institutions du ministère de la Justice, des forces de l'ordre, etc., je suis sûr que son statut A va être sauvegardé et maintenu. En fait, tout Burundais, il a intérêt à ce que les droits de l'homme soient protégés et soient promis. Tout Burundais. Parce que quand il y a violation des droits de l'homme, si ça ne t'arrive pas aujourd'hui, ça peut t'arriver demain. Ou bien ça peut arriver à une de tes parentés. Donc on a intérêt qu'il y ait chaque fois la promotion et la protection des droits de l'homme. Mais je voudrais revenir à ce que l'honorable Léopold disait. Le renforcement de la démocratie, c'est un processus continu, surtout dans certains pays africains, même au Burundi. Alors, tout le monde voudrait, par exemple, être au pouvoir. Vous aviez remarqué que, et c'est dommage, en 2015, l'opposition était divisée en deux. Il y avait une opposition beaucoup plus radicale, beaucoup plus radicalisée. Mais par après, elle a versé même dans la violence et même dans le terrorisme. Parce que vous avez eu des cas, par exemple, à Ruhagarika, à Chibitoke, à Rutegama, ou dans le Mugamba, ou même à Gitega, où il y avait des gens dans les bus, des innocents qui sont attaqués, on leur jette des grenades, etc. Et quand les forces de l'ordre sont en train de faire des investigations pour remonter jusqu'aux commanditaires de ces terrorismes, parfois ils peuvent tomber sur des membres de partis politiques. Alors, si c'est un membre de l'opposition, d'un parti politique qui est à l'opposition, alors ces dirigeants vont dire un tel c'est un prisonnier politique, alors qu'en réalité les forces de l'ordre sont en train de faire des enquêtes. C'est pourquoi que quand vous avez posé la question à l'honorable Léopold s'il y a des prisonniers politiques, il a affirmé, mais pour moi il faut qu'il y ait qu'on étudie cas par cas pour savoir si réellement c'est un cas d'un prisonnier politique. Sinon, il y a des gens, vous le savez, qui se cachent même dans les partis politiques. Après, il va dire, je suis un prisonnier parce que je suis de ce parti, je suis de l'opposition. J'ai essayé de donner un exemple. Il y a bien des gens qui sont en réunion. Comité d'un parti politique dans une commune, qui sont dans une réunion, dans une permanence du parti. Et on vient, on les arrête. Ces prisonniers, on va les appeler comment? Est-ce qu'il y a des cas que vous avez, ça s'est passé dans quelle commune, à quelle date, etc., pour qu'on puisse savoir. Ça vient de passer dans la commune, très récemment, dans la commune de Chombo, en province de Karouzi, où les jeunes du parti se réunissaient dans une permanence, et on est venu, on les a encerclés, on les a pris en prison. Ça, on les appelle ça comment? Ils sont toujours en prison? Non, ils ont été libérés. Au moment où ils étaient encore là, nous disons que ce sont des prisonniers politiques. Oui, il faut le signaler, mais surtout aussi dire les interventions qu'il y a eu. Je le disais ici parce que je sais que vous avez tellement intervenu. C'est pour vous dire que j'attendais que vous confirmiez la thèse qu'il y a des cas des emprisonnements politiques. Jean de Dieu Moutabazi, il disait tout à l'heure qu'il y a des gens qui croupissent dans les prisons alors qu'ils ont été libérés, mais ne sortaient pas des prisons. C'est encore une fois des cas d'abus de pouvoir qu'on remarque. Tout le monde aura constaté que la magistrature, les institutions du ministère de la Justice, il faut qu'elles puissent s'améliorer là où ils ne travaillent pas parfaitement. Et quand il y a des cas, n'hésitons pas à en parler. Pourquoi? Parce que des cas d'abus de pouvoir, ils sont nombreux dans ce pays, ils frappent beaucoup d'innocents. Il faut que, quand ils sont portés à l'opinion, il faut crier et dénoncer. Pour que la CNDH ne retourne pas en arrière, nous sommes dans les 10 dernières minutes. Quelles sont vos contributions? Quelles sont les interpellations? Quels sont les partenaires incontournables? Alors, d'abord, aujourd'hui, la CNDH travaille dans un contexte qui s'est beaucoup amélioré parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées depuis pratiquement le nouveau régime de 2020. Cela a été reconnu par l'Organisation internationale de la francophonie, ça a été reconnu au niveau de l'Union africaine, ça vient d'être reconnu au niveau des États-Unis et d'autres institutions. Et cela aura comme impact que le travail de la CNDH sera beaucoup plus facilité. Et la deuxième chose, de plus en plus avec les ateliers et les séminaires que la CNDH organise à l'endroit des partenaires du ministère de la Justice et des partenaires des forces de l'ordre, alors ils vont de plus en plus apprendre à collaborer, à renforcer le partenariat pour le bien de tout le monde. Alors, c'est pourquoi le partenariat est très important, comme je disais. Deuxième chose, la collaboration avec les responsables qui donnent la cotation du statut A. Donc, il faut qu'ils donnent régulièrement les rapports, mais aussi qu'ils disent les défis qu'ils éprouvent pour arriver à remplir toutes les conditions pour remplir les principes de Paris. Honorable Léopold, la CNDH ne peut pas faire cavalier seul. Quel est votre dernier mot? Qui sont interpellés? Qu'est-ce que vous diriez à la CNDH pour qu'elle ne puisse pas retourner en arrière? Bon, moi, j'insiste sur la mission de la CNDH de la promotion des droits de l'homme. Il faut que la CNDH élargisse le cercle de travail. Il faut travailler avec les partenaires étatiques. Il faut travailler avec les associations et les partis politiques et les hommes politiques. Parce que en matière des droits de l'homme, si un citoyen commet une violation, c'est bien une violation de droits de l'homme. Mais si un agent de l'État commet la même violation, c'est ce qu'on appelle circonstances aggravantes. Ça devient plus grave. C'est pour vous dire, c'est pourquoi je dis que la CNDH devait fournir beaucoup d'efforts sur le comportement des agents de l'État. D'ailleurs, c'est ça même ce qui fait partie des critères de cotation de statut A ou de statut B. Si vraiment les agents de l'État commettent des violations et qu'ils ne sont pas même poursuivis, ça devient plus grave. C'est pour vous dire, je disais, qu'il faut s'intéresser sur les autorités publiques pour éviter que les autorités publiques ne tombent pas dans la commission de la violation des droits de l'homme. Et puis pour nous, les hommes politiques, il faut aussi parler des hommes politiques parce que tous les hommes politiques ne sont pas tous intègres. Vous avez dû, il y a tout le monde voulait diriger le pays, coûte que coûte. Il faudra aussi s'intéresser à ces hommes politiques pour mener ce qu'on appelle le jeu démocratique. Il faut mener le jeu démocratique. Si vous voulez accéder au pouvoir, il faut passer par le jeu démocratique. Là, peut-être on pourrait diminuer les cas de violation des droits de l'homme parce qu'on cherche le pouvoir, pas à tous les moyens, mais par des moyens autorisés, les voies démocratiques. Il faut la que presse. Les journalistes, la presse, s'intéressent aussi à la protection des droits de l'homme parce que dans un pays où l'homme n'est pas protégé, les gens ne sont pas libres, le développement est même impossible. Vous le savez, le développement est impossible. C'est pour vous dire que je disais que la CNDH devrait élargir le champ de travail en s'intéressant surtout sur les agents de l'État, mais aussi sur toutes les composantes de la société burundaise. Oui, le dernier mot avec le président de la CNDH, Dr Sixte Vigny-Nimouraba. La CNDH, il y a risque qu'elle fasse cavalier seul. Quels sont les partenaires incontournables qui sont interpellés en ce qui est de la lutte contre les violations des droits de l'homme? D'abord, je dois souligner que le respect des droits de l'homme et la mise en œuvre des droits de l'homme est la responsabilité de l'État. Ce n'est pas la CNDH qui est responsable de la protection des droits de l'homme. Donc, c'est le gouvernement du Burundi. La CNDH a son rôle de seulement rappeler et donner des conseils au gouvernement pour que ces droits de l'homme s'améliorent et soient mis en œuvre. À ce qui est des partenaires, le premier partenaire, c'est le gouvernement, bien sûr, parce que nous donnons des recommandations au gouvernement. Le deuxième, ce sont la population burundaise, parce qu'on ne peut pas travailler si on ne requiert pas des informations et des allégations qui viennent de la population burundaise. Bien sûr, les partis politiques, la société civile, mais aussi les partenaires étrangers, parce que les droits de l'homme, c'est une affaire de tout le monde. Donc, nous devons essayer d'avoir des connaissances de toutes les zones, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit partout au monde, pour qu'on puisse bouger ensemble avec le reste du monde. Merci. Je suis sûr, sur clin d'œil du président de la CNDH, que se referme cette émission, l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, portée sur ce qui a poussé le Burundi à retrouver le statut A, qui est réservé aux commissions des droits de l'homme des pays qui respectent et qui font respecter les droits humains dans le monde. Je rappelle que nous étions dans ce débat avec Dr Sixte Vigny-Nimouraba, président de la CNDH. Merci d'être avec nous dans cette émission. Merci pour l'invitation et même la fois prochaine, soyez à l'aise de nous inviter pour échanger en termes des améliorations dans les droits de l'homme. Le député Léopold Hakizimana, membre du bureau politique, conseiller au secrétariat général chargé des questions politiques et stratégiques au sein du parti CNL, merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, nous disons merci. Le parti CNL sera toujours là chaque fois que vous l'invitez dans des activités pareilles. Je vous remercie encore une fois. Jean Doudieu Moutabadi, président du parti Radebout et président de l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, les crimes de guerre et d'autres crimes contre l'humanité. Merci d'être venu dans Mosaïque d'aujourd'hui. Merci aussi pour nous avoir invités au nom de l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l'humanité. Merci aussi à ceux qui sont en train de nous suivre, qui viennent de comprendre que la promotion et la protection des droits de l'homme, c'est pour l'intérêt de toute la société burundaise et que tout le monde, quel que soit le niveau où il est, il doit donner sa contribution. Oui, ça incombe à tout le monde. Merci, chers auditrices, auditeurs, vous qui étiez à l'écoute. Merci à l'équipe technique, à savoir Séraphine Hakizimana, qui était à la mise en onde. Grâce à Maria Justicia Tuikedze et Isine Bariko à la prise des images. Alain Désiré Boukieneza était à la réalisation, à la présentation de ce débat. Vous étiez avec Évariste Ndikoubanyanga. Bonne suite de nos programmes. À la prochaine. Mosaïque.